La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver au deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivain français Valérie Larbaud. Une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travalli-Chanal et Pierrick Monsigny. Né en 1881 à Vichy, où il mourra à l'âge de 76 ans après de longues années d'aphasie, Larbaud aura eu le privilège de naître dans une famille riche et la profonde tristesse de perdre son père à l'âge de 8 ans. Élève médiocre, peu intéressé par les affaires, il développera cependant un goût immodéré pour les langues, les voyages et bien sûr pour la littérature, comme nous l'avons vu hier avec sa biographe Béatrice Mousseli. Alors Larbaud, ce n'est pas seulement l'écrivain des trains de luxe, c'est aussi un regard aigu et délicat sur l'enfance. Nelly Chabrol-Gagne nous en parlera demain, tandis que Nathalie Frolov reviendra sur le texte 200 chambres, 200 salles de bain. Enfin jeudi, avec Didier Alexandre, nous parlerons du personnage de Barnabout, double de l'auteur par bien des aspects. Et puis en seconde partie, Christine Cossefi évoquera le paysage chez Larbaud. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du cosmopolitisme chez Valérie Larbaud, je reçois M. Charbonnier, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste des œuvres de Larbaud et de Paul Morand, ainsi que des origines intellectuelles de la construction européenne. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. C'est son plaisir qu'il nous livre, il n'écrit que pour son plaisir. Ce plaisir, on le sent d'abord dans le choix des mots, dans la ligne sinueuse des phrases, dans les images et les ellipses, dans la répartition des ombres et des lumières. C'est aussi le savant plaisir des feintes, des allusions, des citations rares, l'utile plaisir d'acclimater un mot d'une autre langue, une tournure, voire une disposition d'esprit, d'imposer même à un puzzle de vocables étrangers une pure ligne française. C'est encore le plaisir de voir une forme charmante se dresser et prendre vie à mesure qu'un mot s'ajoute à l'autre. Le plaisir de prolonger l'attente ou de rompre un rythme. Le plaisir, avec des mots simples et des sons clairs, de garder à tel point du monde son mystère et sa complexe rumeur. Peu d'écrivains nous donnent à ce point l'impression d'un voluptueux travail. Bonjour Gilles Charbonnier. Bonjour. On entend dans cette archive de Marcel Arlan oui. L'importance et le plaisir du langage chez Larbaud. Et j'aimerais qu'on commence justement par cette question du langage, parce qu'elle semble réellement prépondérante chez lui, Gilles Charbonnier. Oui, alors vous avez bien fait de commencer par cette archive de Marcel Arlan, qui est un excellent commentateur de Larbaud. Et dans l'archive que vous avez présentée, il y a une phrase tout à fait intéressante. Arlan dit que Larbaud est le représentant d'une pure ligne française. Et ça, c'est une bonne introduction, finalement, au cosmopolitisme. Bah, parce que c'est tout le paradoxe apparent de Larbaud, parce que c'est quelqu'un dont la prose est qualifiée de très française, hein, de très pure, mais en même temps, il est complètement ouvert à l'international. Hein, donc c'est un paradoxe apparent. Mais comment vous définiriez, finalement, cette prose française, un petit peu de prose française? Oui, d'abord, c'est un art de la simplicité chez Larbaud, qui est d'ailleurs, pour nous universitaires, très difficile à expliquer, parce que c'est un aspect classique. Mm-hmm. Hein. Ça se lit, mais ça ne s'explique pas. Voilà, c'est ça. Puis il y a une très belle transparence dans l'écriture. Je crois que Larbaud est considéré comme un excellent styliste. Et d'ailleurs, lorsque les hussards ont remis à la mode Larbaud dans les années 50, par exemple Roger Nimier, Roger Nimier était absolument fasciné par le style de Larbeau, qui constitue un horizon d'attente, hein, finalement, pour les hussards. Et ça fait partie un peu de cette légende de Larbeau, hein, pour les hussards. Bon, une forme de très grande pureté dans la prose. On est dans une lignée qui pourrait être celle de Flaubert, pour vous ? Pour le style, en tous les cas. Alors, peut-être pour la conception de l'écriture, hein, le côté sacrificiel de l'écriture. Alors, sur ce plan, on peut rapprocher Larbeau de Flaubert, mais dans le style lui-même, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce qu'il y a chez Flaubert quand même l'ambition du réalisme. Alors que chez Larbeau, c'est la prose poétique. Voilà. Je pense qu'on peut définir le style de Larbeau par cette ambition de prose poétique qu'il a constamment revendiquée. Donc, la prose française, mais néanmoins émaillée sans cesse d'une prose étrangère. Par exemple, la langue italienne irrigue beaucoup les textes de Larbeau. On retrouve des mots en italien dans sa littérature. Constamment. Par exemple, dans les nouvelles d'Amant, Heureusement. Donc, ces deux nouvelles sont en monologue intérieur. Et dans Amant, Heureusement et dans Mon plus secret conseil, l'italien est omniprésent, avec d'ailleurs des micro-récits qui sont en italien. Et la fin de mon plus secret conseil, bah, c'est un poème en prose qui mélange le français et l'italien dans une volonté de montrer que l'inspiration française peut être renouvelée en quelque sorte par les apports étrangers, notamment italiens et anglais également. Hein. Et anglais et grec aussi, pourquoi pas. Et anglais, grec, hein, ouais, bien sûr, hein, puisque dans Amant, Heureusement, il y a des... Larbeau cite Homère, hein, dans le texte, hein, parce que bon, Larbeau... Alors, c'est un classique moderne aussi, hein, je crois qu'il faut indiquer tout de suite cette dimension de Larbeau, hein, qui constitue aussi le socle de son cosmopolitisme. Y a le langage... qui est le langage du corps, présent chez Larbeau, de manière évidemment un petit peu humoristique aussi, par les borborygmes dans la poésie de Barnabous. Est-ce que on est là dans dans un autre vocabulaire, dans une autre langue ? Oui, alors vous faites référence au début de Larbeau avec les poèmes de Barnabouf et les borborygmes. Alors là, évidemment, c'est un contexte très intéressant parce que ce sont les organes de la pensée. Et là, on réévalue beaucoup les intestins comme étant le deuxième cerveau. Oui, alors il y a beaucoup d'ironie. Il y a beaucoup d'ironie parce que c'est une manière aussi de se moquer ou de mettre à distance le symbolisme avec toute l'intériorité. Et là, c'est une manière de dire, bah voilà, borborygme, les organes de la pensée, bah nous allons nous débarrasser de la vieille poésie de l'intériorité symboliste. Hein. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Gilles Charbonnier, cette passion pour tous les langages, elle va bien sûr de pair chez Larbeau avec l'idée du cosmopolitisme que vous avez étudié en particulier. Vous avez traité de cette question avec Amélie Ozou dans le numéro 53 des cahiers Valérie Larbeau. Vous aviez appelé votre introduction Valérie Larbeau, citoyen du monde. Et c'est vrai que on peut le considérer comme le premier grand cosmopolite de nos lettres, comme l'un des premiers écrivains français qui soit réellement cosmopolite. Oui, alors le cosmopolisme est une tradition, hein, de la littérature française, donc Larbeau ne l'a pas inventé dans les lettres, mais disons qu'il l'a complètement renouvelé. Au début du XXe siècle, dans sa correspondance, par exemple, avec Marcel Rey, hein, donc cette correspondance en trois volumes, éditée par Françoise Liours, qui est très importante. Bon, il écrit à Marcel Rey, je crois que c'est en 1902, et il lui dit, eh bien, avec une troupe d'anglais, enfin d'américain et d'anglais, je vais invasionner la littérature française. Hein. Donc, chez lui, il y a tout de suite l'idée, d'admirer la littérature française, mais de considérer qu'elle doit bénéficier, d'un apport, de l'apport européen et américain. Donc, il y a quelque chose au départ de très engagé sur ce plan, et il va mener diverses campagnes dans toutes les revues auxquelles il participe au début du XXe siècle pour faire connaître les auteurs américains, anglais. Bon, on va commencer bien sûr par Whitman, hein, pour qui il nourrit une immense admiration. Et il subit quand même l'influence de Whitman dans ses poésies. Vous utilisez le mot de invasionner. Oui, invasionner. Ah oui, parce que justement, faire vivre la langue avec des néologismes, par jeu aussi. Hein, il y a énormément de jeux chez Larbaud. Mais invasionner, c'est peut-être créoliser, justement en utilisant ce terme. Peut-être que justement la langue de Larbaud, c'est prendre comme ça dans les langues étrangères des mots et en faire des mots français pour créoliser la langue. Oui, en faire surtout une langue poétique, c'est-à-dire une langue dans la langue. C'est ça, hein, les poèmes que vous évoquiez, enfin les passages que vous évoquiez dans mon plus secret conseil amant, c'est en fait prendre quelques mots, injecter quelques mots étrangers dans la prose française pour en donner une dimension poétique, une langue dans la langue. Ouais, et ça, c'est très larmalien. Ouais. Alors cet intérêt pour l'étranger, pour la littérature étrangère, elle se fait dans un contexte qui est évidemment important, un contexte politique où l'Europe est plutôt en proie au nationalisme qu'à autre chose. Et ça, il faut quand même le souligner, Gilles Charbonneau. Ah oui, mais ça c'est très important. C'est très important parce que, Larbaud à son enfance et son adolescence, c'est sous la Troisième République. Et il vit quand même assez mal cette forme de nationalisation qui se met en place autour de lui. Donc il résiste un peu, et il résiste en faisant valoir l'ambiance européenne par-dessus tout. Et il considère, très vite chez lui, il y a le sentiment que la Troisième République crée un État-nation et que cet État-nation est un peu trop pesant. Il y a trop d'États chez Larbaud, on peut aussi résumer les choses comme ça. Alors, il y a trop de grands États, il y a trop de grandes nations. La France, l'Italie sont des nations trop grandes, et il vaut mieux vivre dans de petits pays comme le Portugal, par exemple, où le national est moins présent. Et donc, il y a chez lui la volonté pour lutter justement contre ce national. Hein. Il y a la volonté de s'adresser à une élite intellectuelle, une élite intellectuelle qu'il considère comme délétrée en dehors de toute caste, de tout parti. Parce qu'au fond, et ça rejoint sa passion pour les petits États, pour les micro-États, il y a l'idée que l'ancrage local, régional, oui, est important. Pourquoi? Oui. Culturellement, c'est important. Oui, alors, parce qu'il y a un arrière-plan, si vous voulez, chez Larbaud, qui est l'esprit de Genève. Même s'il ne souscrit pas à tous les projets de la SDN, il réfléchit énormément à ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme de gouvernance en Europe. Et dans Allen, le texte de 1927 que vous mentionniez hier avec Béatrice Mousseli, en quelque sorte, il y a une rêverie. Une rêverie politique, hein, c'est le mot même de Larbaud, rêverie, hein, donc c'est très intéressant. Et il considère, dans ce texte Allen, que les régions, finalement, doivent retrouver une forme d'autonomie. Et il appelle à créer les États-Unis français d'abord, au sein des États-Unis d'Europe. Oui. Et il appelle de ses voeux une forme de confédération européenne. Alors, Bien Donc sûr, c'est à la fois le local, le régional voilà, et aussi voilà, le fédéral. Voilà, hein, une harmonie finalement de tous ces États qui retrouveraient une forme d'autonomie et qui serait dirigée par par une instance européenne. Alors, je précise que c'est pas tout à fait la parole de Larbaud, c'est dans le texte qui est fait de dialogue, c'est l'éditeur. Mais comme ces éléments se retrouvent dans plusieurs textes de Larbaud, on peut dire que Larbaud quand même souscrit à cette idée. Donc en réalité, vous nous dites, vous qui enseignez l'histoire intellectuelle de la construction européenne, que Larbaud est un des pères fondateurs de l'Europe. Alors, j'ai eu ce sentiment. Alors, père fondateur... Intellectuellement parlant. Oui, intellectuellement parlant. J'ai eu ce sentiment en 2007, lorsque j'ai lu le livre d'Ulrich Beck et Edgar Grandet pour un empire européen. Les Allemands, hein, évidemment, aujourd'hui, ont des projections tout à fait intéressantes sur l'Europe. Hein, je parle des penseurs allemands. Et en fait, Ulrich Beck aurait pu faire référence à Larbaud, parce que c'est ce que Larbaud, finalement, décrit. Avec une notion d'empire aussi. Hein. Mm-hmm. Voilà. L'empire d'Europe. Voilà, l'empire d'Occident. Larbaud réhabilite, mais au sens positif du terme, la notion d'empire pour laisser coexister en Europe toute la diversité possible. Mais est-ce que ça signifie l'empire d'Europe pour des valeurs européennes contre des valeurs extra-européennes, ou est-ce que le cosmopolitisme de Larbaud dépasse oui, les frontières ça, de l'Europe? C'est une question tout à fait intéressante. L'empire, selon Larbaud, alors bon, on trouve ça dans Firmina Marques, et puis le dernier texte que Larbaud devait publier, on a perdu le manuscrit, c'est l'amour et la monarchie. Donc, il imagine ce que peut être un empire, mais les frontières de cet empire européen sont confondues avec le monde. Hein. Donc, il y a un échange absolu entre l'Europe. Donc, c'est pas l'Europe. C'est pas du tout. Citadelle, pour reprendre des mots qu'on entend aujourd'hui. C'est une Europe. Larbaud était un Européen au sens le plus ouvert du terme. Alors, c'est un Européen qui voyageait partout en Europe, mais pas seulement, et qui aimait évidemment beaucoup les villes, tout comme son héros, A.O. Barnabus. Des villes, et encore des villes. J'ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs d'amour. À quoi bon en parler ? Il m'arrive parfois... la nuit, de rêver que je suis là, ou bien là. Et au matin, je m'éveille avec un désir de voyage. Mon Dieu, faut-il mourir ? Il faudra suivre à travers la maladie et dans la mort ce corps que l'on n'avait connu que dans le péché et dans la joie. Aux vitrines des magasins, des grandes voies, des capitales, un jour, vous ne reflèterez plus le visage de ce passant. Tant de courses dans les paquebots, dans les trains de luxe, aboutiront donc un jour au trou du tombeau. On mettra la bête vagabonde dans une boîte, on fermera le couvercle, et tout sera dit. Oh, qu'il me soit donné encore une fois de revoir quelques endroits aimés, comme la place du Pacifique à Séville, la Chiaia fraîche et pleine de monde. Dans le jardin botanique de Naples, la fougère arborescente, l'arbre jeune fille que j'aime tant, et encore l'ombre légère des poivriers de l'avenue de Kefisia, la place du vieux Falaire, le port de Munichi, et encore les vignes de Lesbos et ses beaux oliviers, où j'ai gravé mon nom de poète lyrique, et puis aussi cette plage, Chersonèse, près de Sébastopol, où la mer est parmi les ruines, et où un savant montre avec amour une affreuse idole kirghize, Lipu, ayant un sourire idiot sur ses grosses joues de pierre. Et surtout, ah surtout, Kharkov, où je sentis pour la première fois le soupir de vierge de la muse soulever mon sein craintif. Une ville pour moi. Les lecture par Claude Aufort. Que vous inspire ce texte, Gilles Charbonnier ? Oui, c'est un poème de Barnabouf qui nous plonge au cœur du cosmopolitisme de Larbeau, mais c'est un cosmopolitisme quand même ici assez particulier. Alors, très neuf à l'époque, parce que bon, il parle de Kharkov, hein, bon, c'est assez quand même neuf dans la littérature française. Alors, il fait référence à six différents voyages, hein, notamment son séjour en Russie au début du XXe siècle. Et il y a une autre forme, si vous voulez. Enfin, ce cosmopolitisme est associé aussi à un certain lyrisme. Mm-hmm. Voilà. Cosmopolitisme lyrique, en quelque sorte, parce qu'il y a dans ses poèmes, quand même, la question du moi. Mm-hmm. C'est-à-dire Barnabouf qui est tourné vers l'intériorité. Et dans certains poèmes, justement, c'est le moi qui se détache et qui réagit. Et je pense qu'à la suite de ces vers, il y a le cœur de vagabond. Alors on aura peut-être l'occasion de revenir sur le lyrisme, en effet, de Valérie Larbeau. Ce qui frappe aussi à l'écoute de cette lecture et à la lecture de tous les textes relatifs à ce personnage de Barnabouf, c'est quand même que le cosmopolitisme, c'est celui de l'aristocratie. Ça n'est jamais un cosmopolitisme, ou très rarement, peut-être parfois quand il parle du Portugal, dans les voyages assez longs d'ailleurs qu'il y fait, c'est quand même assez rarement autre chose que ça. Oui, bien sûr. C'est un cosmopolitisme de privilégiés, il est vrai. Mais seulement des poètes comme Larbeau et aussi Morand renouvellent le cosmopolitisme en réfléchissant à de nouvelles relations entre les peuples. Mmh. Voilà. Et là, si vous voulez, toutes les catégories sociales sont en quelque sorte concernées, parce qu'il y a une véritable pensée de l'échange intellectuel derrière. Et puis, par ailleurs, Barnabouf n'est pas insensible. Hein, bien au contraire, il éprouve il y a une très grande ouverture à l'autre. Mmh. Aussi bien dans les poèmes que dans le journal intime de Barnabouf, son cosmopolitisme est profond dans la mesure où le je s'efface, cherche même la nullité pour une très grande ouverture à l'autre. Alors on lit déjà dans un certain nombre de textes une sorte de mondialisation dont on sait qu'elle est à l'œuvre à l'époque de Larbeau depuis longtemps, qu'elle a pris aujourd'hui des proportions que peut-être il imaginait d'ailleurs, quand il dit, quand il fait dire à son personnage d'homme d'affaires, Charles Bonsignor, dans le vaisseau de Thésée, « Je ne savais jamais où commençait et où finissait un pays, cela m'était égal que Menton ou Bordighera fût en Italie ou en France ou au diable, j'étais un vrai citoyen du monde. » Alors aujourd'hui, l'expression « citoyen du monde », elle n'est pas tellement employée pour les hommes d'affaires qui dirigent des multinationales, elle est plutôt employée... Ça dépend des hommes d'affaires. Ça dépend peut-être des hommes d'affaires, mais il y a une vision quand même de la mondialisation, y compris économique, chez Larbeau. Oui. Alors, une vision de la mondialisation économique, c'est peut-être un peu difficile. Un peu anticipé. Un peu difficile parce que bon, son commerce des eaux minérales, à un certain moment, donc il était délégué. Son voyage en Russie, c'était aussi peut-être pour aller vendre des eaux de Saint-Tirs. Voilà, il était en Tunisie, au Maroc aussi, il était délégué par sa mère et finalement, ça ne s'est pas très bien passé. En revanche. L'économique n'est pas absent, parce que le personnage du vaisseau de Thésée, donc Charles Bonsignor, est un homme d'affaires. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, votre question est pertinente, parce que effectivement, là, le commerce de Bonsignor serait là pour pacifier les relations interculturelles, les relations internationales. Mais quand vous faites allusion justement à Bordighera, ça c'est très intéressant parce que, en fait, Larbeau transpose un de ses souvenirs. C'est l'un de ses premiers voyages à l'étranger quand il découvre la Ligurie, Bordighera, et il ne fait pas du tout la différence. Mmh. Hein, il a 16 ans à peu près, il ne fait pas du tout la différence. C'est la Côte d'Azur, en fait. Oui, il ne fait pas du tout la différence entre Bordighera et Menton. Hein. Mmh. Il ne voit pas la frontière. Et ça, c'est une expérience qui va vraiment le marquer et qui ressurgit ensuite dans ce texte de 1927. Vous voyez qu'il m'est assez difficile de vous décrire en détail une de mes journées de travail. Laquelle ? Dire que pas une n'a ressemblé à une autre serait exagéré, mais correspondrait à un aspect de la réalité. Prendre une moyenne et inventer une journée idéale pendant laquelle j'aurais travaillé mentalement et sans écrire à deux artistes lyriques ou à Fermina Marquez, tout en lisant un roman d'un anglais ou d'un italien contemporain, et après avoir passé 3 heures à la Nationale pour lire Pontus de Tiare, etc. Non, ça ne donne pas une idée exacte de ma façon de travailler. Elle n'est ni très aventureuse, desultory, ni régulière et systématique. Il m'arrivera de faire un très gros effort matériel, soit en composant, soit en traduisant, soit en lisant et prenant des notes, c'est-à-dire de passer des journées et des nuits à ma table de travail ou de nombreuses heures dans une bibliothèque. Puis, cela sera suivi de plusieurs semaines d'oisiveté relative. Sorties, promenades, excursions ou encore un repos forcé à la suite de l'effort donné. Mais dès que les forces reviennent, le processus de maturation reprend. Je n'ai pas réellement de vacances, de congés. Vous non plus. Et qui de nous en a ? Mes vacances, mes arrêts, sont déterminés en général par l'épuisement nerveux ou une maladie, ou un long trajet, ou l'installation dans une ville où je passerai quelque temps. J'ai des vacances comme celles que j'ai décrites dans le vain travail de voir divers pays. Jaune, bleu, blanc. Mais vous voyez que le travail en est, malgré tout, un des éléments. Le mot est dans le titre. Mais sérieusement, le travail qui a abouti à le vain travail de voir divers pays n'a-t-il pas commencé en même temps que ces vacances-là ? La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait de notes pour servir à ma biographie de Larbaud, lui ici par Arnaud Bédoué, où on entend bien, je crois, à quel point il n'y a pas de différence entre la vie voyageuse de Larbaud et son travail d'écrivain. C'est Gilles Charbonnier parce qu'il vit en cosmopolite, qu'il écrit en cosmopolite. Oui, oui. D'ailleurs, Larbaud a besoin du mouvement et je pense qu'il ne dissocie pas la littérature du mouvement et du voyage. D'ailleurs, il y a des textes de son journal, son propre journal intime, très intéressant, où il raconte comment il écrit, il décrit des paysages, mais il a besoin de la rencontre avec l'autre pour vérifier la justesse de son travail. Donc, le voyage fait vraiment partie de son inspiration, parce que bon, il est animé aussi d'une véritable passion du monde. Voilà. Le voyage et la lecture d'ouvrages étrangers et la traduction, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le cosmopolitisme de Larbaud, c'est précisément de faire se rencontrer diverses cultures. Il est un ambassadeur des lettres françaises à l'étranger et inversement, il arrive à faire venir en France un certain nombre de textes qu'on n'aurait sans doute pas connus à cette époque-là sans lui, ça, Gilles Charbonnier. Ça, évidemment, c'est l'axe majeur de Larbaud, parce que à partir du moment où il définit le cosmopolitisme donc comme cette élite lettrée en dehors de toute caste, eh bien il cherche un espace commun. Il cherche un espace commun. Alors un espace commun européen, certes, mais très étendu. Et là, évidemment, il y aura un énorme travail, non seulement de traduction, mais de diffusion. Mmh. Alors là, évidemment, c'est quand on regarde les auteurs qu'il a découverts, qu'il a aidés, qui l'a soutenu. Bon, évidemment, il y a Joyce, mais il y a aussi Ramon Gomez de la Serna. Serna. Bon, où ses efforts de... Bon, alors, il faut dire que Ramon Gomez de la Serna rêvait d'être introduit à Paris, et donc il a rencontré en Larbaud un très bon ambassadeur, si je puis dire. Alors, je donnerai un exemple de sa traduction, simplement le titre, Gregarias de Ramon, que Larbaud traduit par Criailleries. Mm-hmm. Donc là, on voit toute cette sensibilité. Alors, bon, ensuite, il y a tout le domaine argentin. Il s'intéresse à Ricardo Giraldès, par exemple. bon, les auteurs sont vraiment innombrables. Et puis Borges. Borges, oui, aussi. Vous en avez parlé. Vous en avez parlé hier. Bon, en même temps, il fait connaître des auteurs un peu plus classiques, un peu plus anciens, hein, comme le britannique Coventry Patmore. C'est une volonté vraiment permanente chez Larbaud de découvrir des auteurs et de donner en quelque sorte cet espace commun au lecteur. À tel point que il va faire passer bien souvent la traduction avant la création. Est-ce qu'il y a là une volonté justement de faire advenir un monde qui serait un monde plus cosmopolite, parce qu'à un moment donné c'est aussi une amputation de passer autant de temps à traduire les autres quand on a soi-même beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à écrire? Oui, mais je pense que les deux activités étaient complémentaires, parce qu'il avait besoin, si vous voulez, de ce commerce. Il avait besoin de ce commerce cosmopolite pour écrire. Puis bon, il ne faut pas négliger non plus son œuvre personnelle de création, hein, qui est quand même très importante. Bon, Barnabouf était énormément lu à l'époque. Mmh. Ouais. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Gilles Charbonnier, mais comme vous le savez peut-être, à chaque mi-temps de notre émission, nous allons voir du côté des revues ce qui s'y écrit. Et nous sommes aujourd'hui avec Marin de Viry de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Marin. Bonjour Mathieu. Larbaud fait-il partie des auteurs que vous emportez en voyage, quand vous partez en voyage? Eh bien, non, mais je le regrette de plus en plus depuis une demi-heure. Ça fait partie de ces auteurs dont qui, on le disait avant l'émission, sont des écrivains pour écrivains. Moi, j'en ai entendu parler. Mais qu'est-ce vraiment que c'est? Alors, on va définir aussi ce que oui, c'est un écrivain pour écrivain, parce que finalement, ça devient un peu un gimmick au sujet de Larbaud. Eh bien, votre invité parlait d'horizon d'attente, c'est-à-dire que c'est une sorte d'exemple d'horizon, de travail. Enfin, c'est un horizon qu'on peut atteindre par le travail. Là, c'est un diamant de style qui rappelle aussi, une certaine tradition du style français telle qu'elle est figée. À un moment, mais figé dans son ouverture, si je peux dire, par Vaugelas, appliqué par Saint-Simon, et Valérie Larbaud est une sorte d'expression strictement littéraire de ce style français-là. Vous êtes d'accord avec ça, Gilles Charbonnier, sur la définition de l'écrivain pour écrivain? Oui, et c'est vrai. Qui se transmet, je dirais, qui se transmet avec une sorte de ferveur, de la main à la main. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la rumeur publique qui fait la gloire de Larbaud, c'est plutôt les explications de personne à personne et de personne intéressée par la littérature à personne intéressée par la littérature. C'est pour ça que chose peut-être d'un petit peu snob aussi, dans le fait d'aimer cet écrivain, parce que précisément, il reste assez confidentiel. C'est presque qu'on est presque, parler trivialement, dans les codes du luxe. Oui, ne le répétez pas, c'est le meilleur. Oui, ne le répétez pas, c'est le meilleur. Quand même, les hussards avaient essayé de lui donner un peu plus de lustre et de publicité, etc. Mais fondamentalement, c'est comme si sa destinée était d'être discret et exemplaire. Voilà, c'est très intéressant. Une question me vient, Marin, je vous la pose. Est-ce que pour vous, la majorité des écrivains français d'aujourd'hui soutiennent l'idée de l'Europe? Est-ce que le cosmopolitisme tel que l'envisageait Larbaud est aujourd'hui partagé? La culture européenne ouverte, oui, je pense que ça c'est quand même, 90% des écrivains français sont pour une culture européenne ouverte. Ils ont un certain mépris pour le nationalisme, c'est-à-dire pour une sorte d'idée de pureté, l'idée d'une sorte de pureté littéraire française qui s'imposerait aux autres nations, parce que nous aurions des particularités remarquables, est une idée qui a complètement abandonné les esprits, je pense, mais depuis très longtemps maintenant. Donc non, il y a un vaste consensus en réalité autour d'une sorte d'idée de confédération. tradition littéraire européenne, quelque chose comme ça. Alors parlons un peu de la revue des Deux Mondes, mois de février-mars, numéro de février-mars, qui s'intitule, vous allez nous dire si c'est un peu provocateur ou pas, Les pièges des droits de l'homme. On est piégé par les droits de l'homme. Enfin, on est piégé par des conséquences d'une politique des droits de l'homme qui peut connaître des dérives. Voilà, c'est ça l'idée de ce numéro qui, je vous rassure, reste très modéré et très balancé, comme toujours les numéros de la revue des Deux Mondes. Ça s'appelle Les pièges des droits de l'homme. En réalité, c'est l'entretien que Marcel Gauchet a accordé à la revue sur ce thème-là, avec une idée très simple. Le meilleur de la généralisation des droits de l'homme, c'est la consécration de l'intangibilité des droits de la personne, ça c'est le meilleur. Et puis le pire, c'est peut-être ce qui a commencé à arriver dans le début des années 80, c'est-à-dire au fond, les droits de l'homme deviennent le socle de la justification des revendications des particularités identitaires et particulières, et donc religieuses, ethniques, sexuelles. Alors ça c'est très intéressant, parce que Valéry Larbaud lui-même se considérait comme un universaliste. Est-ce que précisément sur ce thème vous voudriez ajouter quelque chose, Gilles Charbonnier ? Oui, alors, universaliste, bon, ça fait référence justement à cette culture de l'ASDN. Hein. L'ASDN s'appuyait donc sur l'humanisme, hein, par universalisme. Hein. Je crois qu'il faut entendre la tradition de l'humanisme européen. Alors, évidemment, Larbaud s'inscrivait dans cette dimension. Alors, c'est très intéressant, parce que Larbaud s'inscrivait dans cette dimension universaliste, bien sûr, mais en même temps, ah, alors là, évidemment, c'est le moment très intéressant, mais quand même la volonté de privilégier la culture française. Et vous parliez de Barnabouf tout à l'heure. Il y a une expression de Barnabouf qui est très intéressante. Barnabouf s'écrit « Je suis un grand cosmopolite patriote ». Oui. Et alors c'est pareil pour Marcel Gauchet. Oui. Alors là, je lui laisserai la responsabilité de répondre à cette question précisément. Bon. Puisque là, on l'a interviewé essentiellement sur les dérives potentielles, on va dire, de la politique des droits de l'homme. Donc, il y a un grand entretien avec lui, qui évidemment est passionnant, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la perspective historique que Philippe Reynaud nous offre. Hein, c'est la vision des droits de l'homme sous la Troisième République. Et il y a également deux études sur les conséquences juridiques de la politique des droits de l'homme dans la société, dans la démocratie, dans le rôle que prend le juge compte tenu de cette évolution. Ça, c'est Jacques de Saint-Victor et Éric Desmonts qui font cette analyse. Michel Onfray s'occupe, si je peux dire, de l'opposition entre Camus et Sartre sur la question des droits de l'homme, avec, disons, reprenant l'opposition classique entre une vision de la justice concrète, qui était plutôt celle de Camus, et puis une vision de l'histoire abstraite. C'est-à-dire Camus qui est en couverture, hein, absolument, Camus. Absolument, avec un appendice qui est toujours aujourd'hui, pas politiquement correct. Une cigarette. On peut le dire, je crois, encore voilà. À la radio. Et puis, nous avons aussi la question de l'exportation, si je puis dire, des droits de l'homme, à travers la question de la politique extérieure et de la diplomatie des droits de l'homme, qui est traitée par Renaud Girard et François Zimret. Et enfin, deux études complémentaires, une sur l'introduction des droits de l'homme dans la démocratie, dans la très jeune démocratie américaine, dans la démocratie américaine naissante, par Jean-Paul Clément. Et enfin, une vision aujourd'hui du point de vue chinois sur les droits de l'homme. Toujours la rubrique littéraire aussi dans la revue des Deux Mondes. Je crois que vous avez écrit vous-même sur un incident professionnel qui vous a rendu féministe en 5 minutes. Oui, alors tout est dans les circonstances de l'espèce, comme disent les juristes. Non, il s'agit. Vous n'étiez pas féministe avant, c'est surtout ça. Plus exactement, je ne me préoccupais pas de la question, et je me suis préoccupé de la question à partir du moment où, disons, un incident professionnel m'a fait être placé dans les mêmes conditions qu'une femme qui se serait fait un petit peu embêter par ses supérieurs et qui se serait rendu compte qu'il y a au fond une mauvaise immixtion de la question sexuelle dans l'univers professionnel. Et en me disant que, au fond, si ça se répétait plusieurs fois par jour et plusieurs fois par semaine, etc., etc., la répétition de ça finissait par créer une sorte d'état d'esprit contre lequel il fallait absolument s'élever. Voilà, la prise de conscience de Marat de Viry est à découvrir dans la revue des Deux Mondes du mois de février et aussi de mars. Merci Marin, à bientôt. À bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au deuxième jour de notre série d'émissions consacrée à Valérie Larbaud. Et pour repartir dans cette seconde partie, un nouveau poème d'A.O. Barnabous, lu par François Chaumette. Lorsque je serai mort depuis plusieurs années et que dans le brouillard les câbles se heurteront comme aujourd'hui, les choses n'étant pas changées, puissais-je être une main fraîche sur quelque front, sur le front de quelqu'un qui chantonne en voiture au long de Brompton Road, Marylebone ou Holborn, et regarde en songeant à la littérature les hauts monuments noirs dans l'air épais et jaune. Oui, puissais-je être la pensée obscure et douce qu'on porte avec secret dans le bruit des cités, le repos d'un instant dans le vent qui nous pousse, enfant perdu parmi la foire aux vanités, et qu'on mette à mes débuts dans l'éternité l'ornement simple à la Toussaint. Alors, ce qui est assez touchant avec Larbaud, Gilles Charbonnier, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, à l'écoute de ce poème, c'est l'impression qu'il écrit vraiment pour réchauffer le cœur de ses lecteurs, en même temps qu'il veut réchauffer un petit peu son propre cœur. Il y a quelque chose quand même à la fois d'élitiste chez Larbaud, mais en même temps de très très empathique. Oui, je suis bien d'accord avec l'interprétation que vous donnez. Donc c'est le poème Vœux du poète, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a surtout, je crois, dans ce poème, l'idée de modestie. S'éloigner de la foire aux vanités. Et là, je pense que Larbaud définit son éthos. Il se projette dans l'histoire littéraire comme le petit oublié du XXe siècle. Donc vous voulez dire qu'il a travaillé à être le petit oublié du XXe siècle. Finalement, il n'est pas si connu que ça, mais c'est parce que il n'aimait pas le tapage aussi. Et je pense qu'il était très heureux d'être justement devenu cet écrivain un petit peu luxueux, qu'on se passe comme ça entre initiés. Oui, je crois qu'effectivement, il a refusé ce qu'il appelait le tréteau banal. Et il a refusé cette société médiatique qui commençait en son temps. Il refusait donc les interviews, certaines interviews, mais disons qu'il n'aimait pas le spectacle, le vedettariat. Mm-hmm. Voilà. Il n'aimait pas le vedettariat littéraire. D'ailleurs, il a beaucoup souffert de sa légende qui s'est amplifiée quand on l'a assimilé à Barnabou. Je crois que chez lui, il y a une forme de discrétion et puis la volonté donc d'écrire pour les happy few, en quelque sorte. Mais enfin, il faut reconnaître que son lectorat s'est considérablement agrandi ces derniers temps, notamment avec ses recherches sur le cosmopolitisme qui ont été renouvelées à partir d'ouvrages qui ont été très intéressants. Il y a eu des thèses sur le cosmopolitisme qui ont fait mention de Larbaud. Je pense justement à la thèse de Nicolas Dimeo sur le cosmopolitisme, donc dans les années 2010. Et ces études très intéressantes ont replacé Larbaud au centre de la pensée cosmopolitique dans les années 20 et les années 30. Et effectivement, c'est un acteur majeur. Alors vous avez également, en plus de travailler sur Larbaud et le cosmopolitisme, écrit un article intitulé « Paysage intérieur et créativité lyrique chez Valérie Larbaud ». C'était dans le cahier Larbaud numéro 51, où vous réaffirmez l'idée de l'importance du paysage intérieur chez l'écrivain. Vous avez commencé tout à l'heure d'évoquer légèrement ce thème, mais on peut creuser un petit peu le paysage intérieur chez Larbaud. Oui. paysage intérieur, déjà il faut commencer, si vous voulez, par le paysage par lui-même. Je crois qu'il y a chez Larbeau un nouveau sentiment géographique, hein, ce qu'il appelle le sentiment géographique moderne, c'est-à-dire la volonté, et ça c'est très neuf, hein, et Morand fera la même chose, de se confronter charnellement avec le paysage. Bon, il y a vraiment des phrases qui sont de très longues phrases pour décrire la côte Ligure, hein, qui est son paysage privilégié. Donc il y a vraiment la volonté, ça c'est neuf, hein, de s'attaquer, si vous voulez, un petit peu à la chair du monde. Hein, le paysage qui peut être aussi le paysage urbain. Oui, bien sûr. Hein, le paysage, toute forme de paysage, et bien sûr le paysage urbain. Bon, dans une forme de poétique planétaire, hein, je reprends l'intitulé d'un spécialiste de Larbeau qui s'appelle Julien Kneckbusch. Bon, mais en même temps, effectivement, il y a une forme d'intériorité qui est extraordinaire, qu'il emprunte à Plotin. Larbeau est un lecteur de Plotin. Et bon, il lit dans les Énéades la fameuse théorie de procession et conversion. Bon, enfin, ce qui se passe chez lui, c'est que c'est d'abord l'un, l'unité. Et ensuite, une fois que cette unité est interrogée, eh bien, c'est lancé dans le multiple. C'est ça la poétique planétaire? Comment est-ce qu'on pourrait définir un peu davantage ce terme? Alors ça, c'est plutôt un cosmopolitisme, si vous voulez, tourné vers le moi. Hein, dans le paysage intérieur, c'est un cosmopolitisme tourné vers le moi, tourné vers le deuil. Voilà, hein, y a quand même cette idée chez Larbeau, bon, d'intérioriser complètement le paysage. Et d'ailleurs, le vers que je citais tout à l'heure montre ce paysage intérieur, hein, cœur de vagabond. Vous dites que le modernisme de Larbeau s'incarne en une phrase paysage. Et tout à l'heure, vous avez dit aussi que c'était un classique moderne. Cette idée de la modernité. Oui. Alors, il est vrai que nous avons parlé du cosmopolitisme, mais il y a bien sûr ce modernisme. Hein. Larbeau, bon, est un artisan du modernisme, le monologue intérieur. Mm-hmm. Voilà. C'est quand même lui qui a contribué à populariser, mais à diffuser le monologue intérieur. Il a beaucoup écrit là-dessus, et puis évidemment, il a beaucoup réfléchi aux origines du monologue intérieur en rapprochant Joyce du Jardin. Donc effectivement, c'est un acteur très important du modernisme, mais c'est un modernisme sans rupture. Mm-hmm. Tout comme son cosmopolitisme, intègre. C'est un modernisme fait de tradition, enfin qui a des racines, en tout cas très profondes. Oui. La tradition n'est absolument pas exclue. Hein. Je veux dire, par exemple, bon, donnons un exemple concret dans ses monologues intérieurs, amant, heureux amant ou mon plus secret conseil. Bon. Il y a la volonté de créer le monologue intérieur, c'est-à-dire le surgissement de la pensée, etc. Mais en même temps, la phrase reste très très classique. Et c'est ce qui fait l'esthétique de ces monologues, c'est cette modernité, hein, du monologue qui s'articule à une phrase très tenue, très très très classique. Je voudrais qu'on revienne, pour terminer cette émission, sur l'idée de la correspondance, puisque c'était évidemment un grand épistolier, Valérie Larbeau. Je vous propose d'entendre une lettre à Sylvia Beach de Larbeau, lue par Adrienne Monnier, que du beau monde. Et c'est elle, Sylvia, qui a prêté à Larbeau ces fameux fragments parus dans The Little Review, et Larbeau, à la suite de ça, lui avait écrit une petite lettre que j'ai sous la main, tenez. Voici cette lettre. « Je suis fou d'Ulysse. Depuis le jour où j'ai lu Whitman, quand j'avais 18 ans, aucun livre ne m'a autant enthousiasmé. J'ai lu tout ce qui a paru dans The Little Review et je suis en train de lire la copie dactylographiée de l'épisode 14. Je crois que j'aimerais traduire quelques pages pour la NRF. Peut-être le passage où M. Bloom est au restaurant. Simplement pour montrer à quel point c'est merveilleux. Voulez-vous en parler à Joyce et lui demander ce qu'il en pense ?» C'est merveilleux, aussi grand que Rabelais. Monsieur Bloom est immortel comme Falstaff. oui, qu'il était très enthousiaste. Well, you know, don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling is a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair... Ah bien, le voilà, Gilles Charbonnier, James Joyce, dans la correspondance de Larbeau, qui est très intense, on s'en doute. Oui, cette lettre fait référence à l'enthousiasme de Larbeau chaque fois qu'il découvrait donc un génie européen. Hein. Alors ici c'est Joyce, mais pour Italo Svevo, dont on n'a pas parlé encore, c'était exactement le même enthousiasme. Hein. Larbeau a traduit et commenté Svevo. Mais là, effectivement, avec Joyce, vous faites référence à un point fort du cosmopolitisme de Larbeau. C'est lorsqu'il mène ses campagnes pour la diffusion de Joyce dans un Paris qui est quand même acquis à la cause des écrivains anglo-saxons. Mm-hmm. Et Larbeau va très souvent dans ses librairies, celle d'Adrienne Monnier, celle de Sylvia Beach, Shakespeare et compagnie. Alors là, évidemment, oui, je crois que c'est l'un des moments les plus importants du cosmopolitisme larbadien. Et d'ailleurs, lui-même sera influencé, hein, puisqu'il écrira ses monologues intérieurs dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc il y a les correspondants, évidemment, et puis en France, pour catalyser un petit peu toutes ces influences étrangères, toutes ces lettres qu'il reçoit, toutes ces idées de publication qu'il y a, il y a évidemment la NRF. Quelles vont être les relations entre Larbeau et la NRF? Oui, alors, ça c'est une vaste question, hein, parce que Larbeau, à ses débuts, donc, a contribué, hein, à faire vivre la NRF, puisqu'il était considéré comme le spécialiste des lettres anglaises. Mmh. Gide le considérait comme ça. Et d'ailleurs, Gide et Larbeau iront ensemble voir Chesterton. Enfin, c'est surtout Larbeau qui va présenter Chesterton à Gide. Donc, Larbeau est considéré comme l'angliciste le plus réputé de son époque. Et puis, il est tout de suite considéré par Gide et Schlumberger, les fondateurs de la NRF, comme l'écrivain qui représente l'esthétique de la revue, le classicisme moderne. Mmh. Voilà. Et notamment Barnabouf. Peut-être un peu plus moderne quand même que d'autres personnes représentées, portées par la NRF. Oui, justement. Ouais. Justement, c'est le fer de lance quand même de la modernité pour la NRF. Enfin, il fait partie en tout cas des fers de lance. Oui, mais enfin, une écriture moderniste quand même assez modérée, hein, dans le journal intime. Mais son modernisme est quand même assez puissant dans les poésies de Barnabouf. Alors, en même temps, Larbeau n'a jamais voulu être intégré complètement à l'équipe de la NRF. Mmh. Il maintient toujours une certaine... De toute façon, il fallait l'attraper parce qu'il était tout le temps en voyage. J'imagine que ça devait être très difficile les collaborateurs des revues et en particulier. Peut-être de la NRF, d'avoir des articles de lui. Oui, tout à fait. Et puis, il veillait quand même à un équilibre, hein, dans ses productions données aux revues. Alors, la NRF, la Phalange, hein, parce que le milieu des revues était très concurrentiel à l'époque. Hein. D'ailleurs, on lui en voulait un petit peu. Hein, lorsqu'il publiait à la Phalange, la Phalange de Jean Royer lui reprochait constamment de donner des textes à la revue de Gide, la NRF. Mmh. Il y a d'ailleurs une correspondance, hein, que vous avez éditée entre Jean Royer et Valérie Larbeau. Oui, oui. Alors, pour la correspondance de Larbeau, elle est absolument immense. Il faut dire que Larbeau passait ses journées à écrire et à répondre donc aux différents courriers qu'il recevait. Ça l'occupait 4 ou 5 heures dans la journée. Hein. C'était une masse énorme. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de correspondances qui ont été publiées. La correspondance avec Gide, la correspondance avec Farc, notamment. Et dans cette correspondance, ce sont des volumes de critiques. Mm-hmm. Voilà. Larbeau donne sa conception de la littérature dans sa correspondance. Merci beaucoup Gilles Charbonnier. Vous nous rendez visite depuis Aix-Marseille, l'université où vous êtes enseignant-chercheur. Je rappelle que vous avez notamment co-dirigé le 53e volume des cahiers Valérie Larbeau, intitulé « Larbeau, citoyen du monde », publié en 2017 aux éditions Classique Garnier. Demain, nous serons en compagnie de Nelly Chabrolgan et de Nathalie Frolov pour parler de l'enfance chez Larbeau, ainsi que de son petit texte « 200 chambres, 200 salles de bain ». Mais tout de suite, sur France Culture, vous retrouvez la poésie avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Cette semaine, deux poètes grecs du XXe siècle, hier Livaditis, le deuxième Kariotakis, Kostas Kariotakis, suicidé en 1928. Il laisse derrière lui trois minces recueils de poèmes et quelques proses, et de nombreux admirateurs éplorés. Kariotakis va devenir un classique, plus encore quelqu'un de terriblement présent, comme on l'a écrit récemment. Certains êtres portent le malheur en eux, Kostas Kariotakis, trépas. Mains qui tenant une brassée de roses et de baisers joyeux, chaudes encore, mains qui tenant une brassée de roses avaient frappé aux portes de la mort. Vous, mes chers yeux, qui vouliez toujours boire un verre sans eau jamais désaltéré, vous, mes chers yeux, qui vouliez toujours boire, triste fenêtre close demeurée, vous qui aviez tant à nous dire, bouche, que la parole a élue pour tombeau, vous qui aviez tant à nous dire, bouche, mais du chagrin que j'écris, pas un mot. Yeux, bouche, main, racontez-moi de grâce une douleur d'autre temps ou d'ailleurs. Yeux, bouche, main, racontez-moi de grâce des hommes et des choses la douleur. Si vu de l'extérieur, les vers de Kariotakis paraissent impeccablement réguliers, ils sont rongés de l'intérieur par toutes sortes de menus écarts, mots insolites, enjambements, rythmes cassés, élisions répétées, rythmes ostentatoires. Vie, Kariotakis, mort en 28, fonctionnaire muté en province, mourant d'ennui, atteint de la syphilis, Kostas Kariotakis. Et elles s'en vont ainsi en s'éteignant. Et elles s'en vont ainsi en s'éteignant. Je dis les vies vouées à la lumière d'un amour calme et qui, tout en coulant, comme des eaux, l'enferment dans leurs flancs, à tout jamais, de la même manière que le ciel brille dans l'eau des rivières et les soleils dans les cieux vont coulant. Je dis les vies vouées à la lumière, etc. Etc. Ces balancements suaves, parfois, pour dire des horreurs, c'est un contraste délibéré, ces rimes éclatantes, ces échos voyants, c'est de l'ironie pour les oreilles, l'inanité sonore chère à Mallarmé, le néant rendu audible. Je suis le vieux jardin qui naguère embaumait, plein de roses, d'oiseaux joyeux dans ses ramures, où, dans l'ombre, avec tous ses baisers, ses murmures, se promenait l'amour au fond des nuits de mai. Je suis le vieux jardin qui attendit longtemps je ne sais quel retour et désormais renonce, enseveli, non dans les fleurs mais sous les ronces, fui par les rossignols étouffés de serpents. Un classique Kariotakis, et plus encore quelqu'un de terriblement présent, quelqu'un dont la misère personnelle a été celle de tout un peuple à son époque, on le voit aujourd'hui mieux que jamais, mais qui surtout reste d'actualité dans notre temps, sans idéaux, sans avenir, en Grèce comme ailleurs en Europe. Les Grecs, amateurs de poésie, on sait combien ils sont nombreux, le savourent aujourd'hui encore, voluptueusement, ou amèrement, ou les deux ensemble. Merci à vous Jacques Bonafé pour ces lectures consacrées aux poètes Livaditis et Kariotakis.